moment d'une offrande volontaire. Tu réclames un lieu pour ta présence, car tu refuses de rester lointain quand tu veux marcher dans notre existence. Le coffre, la table, le chandelier, chaque détail parle de ta lumière. Car même les objets silencieux deviennent un message du ciel sur la terre. Tu désires habiter au milieu des hommes. Tu veux dresser ta maison en nous, pas seulement dans des tentes d'or. Tu veux une présence vivante qui brille plus fort que au milieu des siens et près des yeux.